بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ما حكم الصور والرسوم الموجودة بملابس الأطفال، حيث إنه لا يخلو لبس من هذه الملابس من هذه الصور؟ Ils ont posé la question donc à Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى sur le jugement de d'acheter pour ses enfants des vêtements où il y a des représentations interdites. Imma un être humain, imma un animal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations d'un être doté d'une âme. Donc un être humain ou un animal. Imma un arbre, ou le ciel, ou la mer, ou autre. C'est pas interdit. Donc, le questionneur, il a demandé sur le hukm et il a cité comme information Nahu la yakhlu. Et tu ne trouves pas de vêtements sans ces représentations. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala: la yajuz shira'u al-malabis allati fiha suwar wa rusum dhawat al-arwah min al-adamiyyin aw al-baha'im aw al-tuyur. Al-hukm, c'est que c'est interdit d'acheter des vêtements sur lesquels il y a une représentation, même si cette représentation elle est petite. Certaines marques, c'est un animal, c'est la tête d'un être humain, c'est haram. Que la photo elle soit petite, ou elle prenne tout l'avant, maintenant du pull, ou le dos, ou c'est haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit hadhihi as-subar. Que ça soit être humain donc, animal, ou toyour. Toyour, c'est les oiseaux. Et tous les animaux, ils ont une âme. قال لأنه يحرم التصوير واستعماله. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit les représentations dotées d'âme, donc animal ou être humain. Vendre المعاملة في هذا الحرام, c'est interdit. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a interdit une chose, إذا حرم شيئا حرم الثمن. Quand il a interdit une chose, il a interdit le prix de cette chose. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى il a interdit l'alcool dans le Coran, le Nabi sallam il l'a interdit dans le Sunna. Enfin, tu n'as pas le droit de la boire, de la transporter, de travailler où qu'il y a de l'alcool, etc. قال لأنه يحرم التصوير واستعماله للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه بأشد الوعيد. C'est ça l'essentiel. لماذا؟ لأن on vit à une époque, tu vas trouver بعض الناس يقولون mais tout le monde en achète. Ça c'est un de leurs arguments. Deuxième argument, il n'y a que des habits avec des représentations. Tu ne trouves plus d'habits ou qu'il n'y a plus de représentations. Ça, c'est un deuxième argument. Troisième argument, Cheikh Intel, ou l'imam Intel, ou mon père, ou ma mère, ou Madriman, ils ont dit que ce n'était pas grave. C'est ça les arguments des gens. Lakin, ayyuhal mu'min, si tu veux la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux être préservé de هذا الوعيد الشديد, des menaces qui sont citées dans ces hadiths concernant les représentations dotées d'une âme, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a menacé de ce châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des hadiths au prophète sallam. Enfin, si on est sincère et véridique, on doit chercher à savoir qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit concernant les photos, les représentations. Si c'est interdit, c'est interdit. Même si un tel il dit que c'est autorisé, ça change rien. Ça change rien, fil haqiq. Surtout, ta'ammalou. Al-an, on est dans le sujet de al-taswir fil malabis. Amma, concernant les vidéos pour la da'wa, etc. Tu trouves, ahl al-ilm, ils disent que c'est permis. Ma'anna, al-sawab, c'est que c'est haram. La vie de beaucoup de savants à notre époque, c'est que c'est haram. Et c'est al-qawl sahih, il n'y a aucun doute. Lakin, مثل هذا التصوير sur les vêtements, les savants, ils autorisent pas. لماذا؟ لأن il y a aucune حاجه. Et كذلك, c'est pas du direct. Certains savants, ils autorisent du direct pour certains arguments. Et هذا, c'est pas le cas. Donc, انتبهوا. بعض الإخوة, ils mélangent. Ils disent, mais Cheikh, il a dit telle photo. Les photos, c'est pas interdit. Et ils mélangent. Un cas que Cheikh, il a cité, il le cite, fil umum, globalement. Et هذا, c'est un khata. Et même si un Cheikh, il dit que c'est permis et c'est pas des photos haram, pourquoi on délaisserait les avis des savants qu'on dit que c'était haram en s'appuyant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Isma les hadiths. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala: faqad la'ana sallallahu alayhi wa sallam al-musawwirin. Le hadith il est clair. لعن الله المصورين. الله les a maudits. وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Un autre hadith صحيح. قال فلا يجوز الثوب الذي فيه الصور. Parmi les gens qui auront le châtiment le plus dur يوم القيامة, ceux qui façonnaient, qui faisaient ces représentations interdites. فلماذا s'exposer à هذا؟ On قدر que ce genre de مسائل, même si on reprend la masala qu'on vient de citer, les vidéos, autres, tout ce qui concerne les photos, on qadar, il n'y a aucun doute. Certains savants ils disent que c'est autorisé dans certains cas, matelan pour faire la da'wa, d'autres dans telle chose. Mouhim, on qadar qu'il y a un khilaf et tu n'arrives pas à savoir qui a l'haq. On qadar, ou tu n'es pas sûr, ou tu n'es pas convaincu. An-nasiha, c'est que tu lis ces hadiths et tu les relis. Et tu comprends le ma'na, thumma, écarte-toi des doutes. Billah alay, qu'est-ce que ça fait si tu achètes un t-shirt pour ton enfant avec un animal, avec un chat, avec un cheval dessus, ou t'achètes ce même pull maintenant sans cette représentation? Qu'est-ce que tu perds, akhil kari? Wallahi c'est min ash-shaytan. Même ton enfant, le premier jour, il va regarder cette représentation, thumma il va mettre ce vêtement, il va plus jamais regarder. Personne ne va la regarder. Lakin, qu'est-ce que tu vas dire, yawm al-qiyama? Pour un pull, pour un vêtement, pourquoi prendre des risques? Vous avez remarqué que pour être donné, on ne prend pas de risques. On drôle, hein, le tapage sur les vaccins, qu'il ou qu'il, ardu ou radde, chagalou n'nas. Bah, de n'nas, ils ne le font pas, ils ne prennent pas de risques. Pourquoi dans notre dîn, on ne fait pas la même chose? Vous avez remarqué que pour le vaccin, bah, de n'nas, c'est ihtiyat, mais il ne faut pas le faire parce que si, parce que ça. On n'est pas là pour dire c'est, il faut le faire ou pas le faire. Ça, c'est pas notre ressort à nous. Lakin, pour dîn, tu trouves les mêmes personnes qui avaient cette soi-disant retenue, faire attention, ne pas prendre des risques pour la santé, tu les trouves. Fidinillah, alors que ça parle de nar, de adab et de la'na. Si tu étudies les hadiths sur les représentations, sur les photos, les images interdites, la'na Allahu musawwiri, ashadu an-nasu adaba yawm al-qiyama, et des hadiths sur l'adab, le châtiment, des choses très très graves. La tadkhulu al-mala'ika baytan fihi kalbun aw sura. Ba'd an-nas, مثلا si on garde l'exemple du vaccin, abadan Abedin, ce vaccin, il rentre chez lui, il ne veut pas entendre parler de hada. Et tu le trouves, Rubama Massa, et chez lui, les anges, ils ne rentrent plus, qui c'est qui rentre? Ash-shayatin, et ka'annahu, c'est pas grave. On fait attention, ya ikhwan. Pourquoi? Il y a beaucoup de inaya concernant le vaccin, les recherches, ils font attention, etc. Pourquoi? Parce que ça touche le dunya. Parce que ça touche le corps. On ne dit pas de ne pas faire attention. Tout ce qui est mauvais, on doit faire attention. Lakin, si, yisma'u, si un de nous, il ressent qu'il fait plus attention pour son corps que pour son cœur, que pour sa religion, aucun doute, annahu, il est malade. Maladie du cœur. Enfin, fi hadha al-hal, on doit tout faire pour se soigner. Apprendre notre dîn, apprendre notre aqidah, donner de l'importance à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est pour ça, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, imam à cette époque, un des grands savants de la communauté, qal fala yajuz, il a cité les hadiths. Ouais, il n'est pas là pour dire un tel, mais on a dit abadan. Il a cité deux hadiths, ثم قال فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه الصورة. C'est interdit. ولو ما أدري qui dit que c'est permis, ça change rien. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a haram, c'est haram, c'est interdit. قال ولا يجوز لباسه الصبي الصغير. Autre chose. بعض الناس يقولون mais l'enfant il est petit. Non, l'enfant il est petit, l'enfant Yom Qiyama, il n'aura pas de compte à rendre sur cela. L'imadal, il y en a 7 enfants. On parle enfant. Anao, il n'est pas pubère. Ntabiho, il n'est pas pubère. Il y en a Bardon, il pense que l'enfant, c'est à partir de 18 ans que les anges les inscrivent. Là, c'est la puberté. La fille, elle peut avoir la puberté à 10 ans. L'enfant, il peut avoir la puberté à 15 ans, 14 ans. Al-Muhim, l'enfant, naam. L'enfant, il n'aura pas de compte à rendre. Rufi' al-qalam an thalat minhum as-sabi hatta yablugh. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, les anges ne les inscrivent pas. Lakin anta ayyuha al-ab ou anti ayyatuha al-um, qui te déplace, qui achète, qui paye, qui donne à cet enfant. Enfin, le parent, il rendra des comptes yawm al-qiyam. Si c'est interdit pour toi, enfin, tu n'as pas le droit de l'acheter à ton enfant et dire l'enfant, là, c'est interdit pour toi. Enfin, n'achète pas cette chose interdite à ton enfant. قال والواجب شراء الملابس الخاليه من الصور وهي كثيره ولله الحمد. Vous avez remarqué هذا الادب الجميل. Cheikh Fawzan, il n'a pas dit à celui qui a posé la question pourquoi tu dis qu'il n'y en a pas, pourquoi tu. Il n'a rien dit. Il a répondu et il lui a montré que c'est pas sahih. Le fait que le questionneur, il a dit, et on ne trouve pas, ou il n'y a pas, la yakhlulubs, ou plutôt il n'y a pas de vêtements sans images, sans représentation interdite. Shirvozan, à la fin, pour lui répondre sagement, qala, walwajib, c'est obligatoire d'acheter des vêtements sans représentation interdite, wahiya kathira. Et il y a énormément de vêtements sans représentation interdite, qala, walillahi alhamd. Même si c'est plus cher, ya ikhwan. Même si c'est plus cher, même si tu dois te déplacer dans un autre magasin, c'est pour ton dîn et c'est pour ton enfant. Et là, elle a cette envie d'appliquer sunna, cette envie de t'écarter du haram, ces efforts, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide et guide ton enfant. On ne doit pas minimiser ce genre de choses. Wallah, ce genre de points, pour certains, c'est des détails. Alors que là, asseoir, ça fait partie des grands péchés. Le prophète sallam, il a maudit, il a annoncé que c'était un des châtiments les plus durs. Il n'y a aucun doute, ça fait partie des grands péchés. Là, pour certains, c'est un détail. Il n'y a pas de détail. Il y a des choses importantes, il y a des choses moins importantes. Wallah, fin notre dîn, c'est la chose la plus importante pour nous. Enfin, on doit donner de l'importance, éduquer nos enfants à la hada et s'écarter de toutes ces muharramat qui sont d'aucune utilité pour toi. Et alhamdoulillah, al-amr mutayassar, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité de l'argent. Enfin, achète pour tes enfants min al-halal wa billahi tawfiq. On aktafi bihada wa alhamdoulillahi rabbil alamin. Le prochain cours, inshallah ta'ala, mardi à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.